Où sont donc passés les doux sourires que tu adressais à mon regard? Qu'est-il advenu de ce désir dont alors tu me faisais part? L'amour s'est enfoui, l'amour s'est fini, l'amour est parti, l'amour n'est plus ici entre nous deux. Qu'est donc devenue cette tendresse que tu montrais si bien à mon égard? Où sont retenues toutes ces caresses qui de moi n'ignoraient nulle part? L'amour s'est enfoui, l'amour s'est fini, l'amour est parti, l'amour n'est plus ici entre nous deux. L'amour peut-il toujours fuir? L'amour va-t-il en mourir? Ou va-t-il juste défaillir? Et puis alors revenir entre nous deux?